Ah ben, ah ben. Ah ben, ah ben. Là, je suis content. Ça a marché. Bonjour. 19 mars 2025. C'est ce que c'est ça que j'ai mis comme titre. Tout a l'air de bien fonctionner. Je suis bien, bien, bien surpris. Bien surpris, bien content. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde? Va falloir faire attention. On verra. Hein? Y a des sujets que, bon, on verra. On verra. J'ai l'impression que. Donc, on va attendre. Je vais attendre les gens. Hein? Que je suis content. C'est ce que j'aime le plus. C'est ça que j'aime le plus faire. Les directs. Parce que parler tout seul à un moment donné, là. Oui, ça a fonctionné. Bonjour, Audrey. Donc, c'était vraiment pas moi le problème. C'était vraiment pas mon. À le lendemain que le technicien était parti, ça fonctionnait pas. C'est à cause de choses qui sont faites. Dans la nuit, maintenant la nuit, je le déconnecte d'Internet. Il n'y a personne qui va venir jouer dedans. Mais bon, mais il reste que, oui, il y a une espèce de guerre informatique là, liée aux politiques, pas toutes sortes d'affaires. Je pensais pas être si important, malgré que, ben, je parle à l'échelle plus large que notre petite province là. C'est, vous pouvez pas savoir le soulagement. C'est ça que j'aime le plus faire. C'est ce que j'aime le plus faire des directs. Donc, va falloir interagir parce que sinon, j'aimerais pas ça. Aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui, c'était la Fed. La Fed. Bonjour, Simon. Hein, bonjour, Madame Martin. Ben, bon, on va pas jubiler trop vite. OK. Non, il aime pas. C'est mieux pas des fois. On va faire profil bas un peu. Hein? Bon. Hey, j'ai tellement été. Ah, c'est incroyable. À un moment donné, je me disais, je faisais tellement des colères, j'ai tellement chialé contre toutes mes affaires, contre mon système, contre tout, que j'avais peur que le voisin finisse par me dire, voyons là. Hein? T'es au moins quoi? J'ai de la misère à comprendre, là. T'es A au moins. Ils ont-tu coupé un mot? C'est quoi, là? Je crois qu'on va me finir. Moi, je pense que le but, c'est de rendre paranoïaque. Hein? Ah oui, je suis là. Oui, ben, moi, ça, vous savez, ça, c'est pas ça ma priorité. Je veux dire, si demain matin, je reçois une balle dans la tête, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi qui va m'en plaindre, je pourrais pas. Pas ben, ben, grave. Ça, c'est pas mon souci principal, ben, franchement, là. Si jamais il m'arrive quelque chose, ben coudonc. Par contre, le temps que je suis là, que je me fais mettre que ça va au ralenti ou que je me fais mettre des bâtons dans les roues, que je me le fais mettre. Tant que je vais être en vie, je vais être de mauvaise humeur tant qu'on me fait des. Comme vous savez pas ce qu'ils m'ont fait aujourd'hui, une des banques. Et que je suis pas content. Parce que ça fait. Simon, oui. Ça fait tellement longtemps que ça brette. Quand j'attendais ma carte d'assurance maladie, c'était le cafouillage au fédéral. Par rapport à ça, je ne l'ai jamais eu. Vous savez, Post-Canada. Donc, j'ai pas de pièce d'identité avec photo. Ben non. J'ai pas de passeport, moi, j'ai pas de permis de conduire. Il n'est pas question qu'il me fasse vivre un auto, non, merci. Bonjour, ouais, je fais tout à pied. Bonjour à vous, Jean-Jean. Donc, là, c'est rendu, ben, comme il se demande comment je fais, parce que là, il apparaît des montants importants. Là, je voulais juste aller déposer ma monnaie. Aujourd'hui, je voulais aller déposer ma monnaie. Ils n'ont pas voulu. Fait que non, je fais juste. Je suis juste venu au monde ici, j'ai vécu tout de même. Ils veulent pas. Hey, même que je l'aie ma carte, là. Elle va l'avoir d'en face. Elle va l'avoir d'en face, ma carte. Avec photo, là. Puis moi, j'ai son portrait dans ma tête. Je la pas. J'ai bien de la misère. Ils sont vraiment dégueulasses, là. C'est. Ben, je checkais ça aujourd'hui, je pourrais devenir actionnaire de cette banque-là. Mais j'ai trouvé ça trop cher. Puis, ben, franchement, on va attendre qu'il y ait des difficultés. On va attendre qu'il soit en difficulté. Puis là, après, je vais pouvoir. Hein? Je vais pouvoir me plaindre. J'être juste client, c'est pas suffisant, les amis. Et non. Hein? Mais là, à un moment donné, c'est. Une autre gang m'avait donné de rendez-vous, voulait me vendre des produits. J'avais dit à madame, j'ai dit, c'est quoi donc la différence entre une option et une obligation? Puis elle ne savait pas, ça. Elle voulait me vendre des choses. Bon, ben, merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Hey, bonjour, Gilbert, Louis, Gilbert. Ah, je vous le prononce, je ne sais pas comment vous le prononcez. Donc là, je suis vraiment content. Je suis vraiment content. On a passé des semaines où tout le monde capotait. Mais je parle, moi, il a fallu que je subisse un paquet d'affaires pour que ça marche, que je capotais un petit peu. Je viens de remettre ma tête de lit au nord, là. Vous allez voir, là, on va recommencer à rêver. On va recommencer à rêver, puis on voit plus d'énergie. Il y a quelque chose qui vient de finir, puis il y a d'autres choses qui commencent. Mais ça, c'est des affaires. Je me demande, c'est-tu quand je parle de ça? Est-ce que c'est quand je parle de ça que j'ai des problèmes? Je le sais pas. On verra. L'affaire, c'est de pas être paranoïaque, hein. Faut pas se mettre à paranoïer, là. C'est pas le temps. Fait que c'est ça. Bonjour. Vous avez de la volonté. J'ai rien d'autre. J'ai plus rien d'autre. On a quoi d'autre? Je suis vraiment content. C'est un petit test que je fais. Un petit direct, un petit test que je fais. Avez-vous vu ce qui se passe en Syrie? L'Europe, là, sont en train d'aider à faire. Ils sont. Ouais. Là, encore là, c'est ce que c'est des sujets, faut pas parler. Hein? Yaïs, donc, ben, le monde, ce monde-là. Ça se peut-tu? C'est incroyable. C'est de l'épuration ethnique, ça, les amis. Ben oui. Puis là, regardez notre homme de paix. Notre homme de paix. Trompe, okay? Qu'est-ce qui est en train d'arriver là à Gaza? Pis, moi, je vous le dis, ils veulent le gaz, pis, ils veulent ce qu'il y a sous Gaza. Ils ont déjà construit au large de Gaza. C'est pas pour accueillir des yaks puis des bateaux de croisière qu'on construit au large de Gaza. C'est pour rentrer du pétrole puis du gaz. Et pour ça, ben, les populations sont dans le chemin. Donc, oui, c'est affreux, je le sais, mais les gens sont complètement. C'est comme s'il y avait une. Moi, je considère rendu à ce niveau-là, on est vraiment dans le mind control de masse. Mais je parle le mind control au sens où on nous le vend, au niveau de la guerre psychologique, à mes yeux, il n'existe pas autant qu'on le pense. Mais par contre, l'affaire d'envoûter les masses, là, puis ça, là, c'est. Je veux dire, on l'a d'en face, là. Il y en a du monde, on a envie de les ramasser par les épaules puis de les brasser ou de dire, voyons, c'est quoi le problème? Tellement qu'à un moment donné, on est à court d'arguments parce que c'est même le réel, il le voit pas. Je veux dire, ça va prendre quoi? Ça va prendre quoi? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent vous les tuer chez vous, le monde? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent vous voler, vous autres, pour que vous compreniez? Ça, c'est le genre de choses qui me mettent tellement en colère. Il y a pas de, à un moment donné, il y en a. Oh, faut débattre dans le respect. Ben oui, mais à un moment donné, c'est pas respectable. Vous êtes pas respectable. Bon, je vais pas débattre avec du monde là qui sont là. Oh, il y a des tunnels qui relient New York à Los Angeles. Puis il y a du trafic. Mais c'est des histoires, ça fait partie de la guerre psychologique. C'est des rumeurs que les Américains, la CIA eux-mêmes, ils répandent. C'est les stratégies de Michael Aquino, le colonel Aquino. Pendant ce temps-là, quand il y a des vrais monstres condamnés, puis tout, ils s'en vont se vendre là-bas. Hein? Ça ne dérange pas. Moi, je veux bien débattre dans le respect, mais il faut que je sois irrespectueux, puis des fois, je suis pas capable, c'est tout. Il y a des affaires que je suis pas capable. Je pourrais pas, je serais pas capable. C'est tout, là, à un moment donné, là. La dissonance cognitive de masse est intense depuis la nouvelle ère. Ouais, la nouvelle ère. Hein, c'est ça le monde nouveau. C'est ça le monde nouveau. Moi, je trouve que ça ressemble pas mal à l'ancien, mais en plus intense. C'est comme si. Ben, c'est ça va de plus en plus de l'avant. Vous avez déjà visité vous savez, mais il y a des places, il y a des parcs avec des geysers, puis quand on sait comment c'est fait en dessous, imaginez l'affaire des tunnels en dessous de ça. Voyons là. Hey, wow, là. Il y en a qui vivent dans la science-fiction. ça de la science-fiction, là, à un moment donné, c'est parce que je veux bien croire qu'on nous cache des choses, mais il faut aussi des fois que ce soit de l'ordre du possible. Parce qu'il y en a qui croient vraiment n'importe quoi. N'importe quoi. On a des doctrines. Non, faut pas croire, Chris, crée n'importe quoi. C'est de la guerre psychologique, c'est ça. Puis là, ça fait des masques qui disent rien. Qui disent rien, ou bien le voient pas, ou ça sert de diversion. On a plein de diversions là en ce moment. C'est rien que ça. Puis pendant ce temps-là, ça avance, hein? Ça avance, les agendas, puis c'est quand même incroyable. Par rapport à mon rendement, ben là, ça va commencer à être de plus en plus dur à battre. Donc, on va tous bien d'arrêter ça, de provoquer le monde, d'essayer de faire pareil, parce que ça va devenir indécent. Ça devient indécent. Comme aujourd'hui, ce matin, la panique, parce que la Fed, puis blablabla. Mais quand on le sait, quand on le sait qu'ils feront rien, c'est épouvantable. Des fois, je me dis, je suis le plus cynique, puis le pire. Ça n'a aucun sens. Mais oui, mais c'est là. C'est là, c'est dans notre face. À un moment donné, il est là le test. C'est un test de QI, quasiment, je veux dire, dans le sens. Il y en a, ils ont dit, oh, ben, le COVID, c'est un test de QI. Ouais, mais ceux qui ont été embarqués par les filets des narratifs alternatifs, c'est pas mieux, là. C'est fait pour récupérer, les mailles sont plus petites. Puis, il reste que, pendant ce temps-là, ben, il y en a, ils accumulent des passifs, ils accumulent des passifs. Mais oui, mais à un moment donné, ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus, là. Puis il va avoir des ruptures. Ah oui, c'est ça. Bonjour Lionel. Donc là, je commence à avoir hâte qu'il fasse chaud. Ben, je suis tanné, là. M'avez-vous vu à la tête? J'ai l'air d'un maudit Beatle. J'ose pas mettre un Crombie, j'ose pas le mettre. M'avoir l'air d'un Beatle. J'ai ben hâte de faire raser ça. Je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai reçu ma facture d'électricité. C'est la ville. Moi, c'est la ville directe. Il y a 2 heures, ça marche pas, là. Ça se peut pas, là. Mais je me dis ça chaque fois que à chaque fois, fait que bon. Genre, je vais aller les voir. Il y a 2 affaires, je veux savoir. Ça se peut pas, là. C'est impossible. Si vous saviez tout ce que j'ai coupé. Tout ce que. Ça n'a aucun sens. Moi, je sais, je suis bien beau, mais il reste que j'aime. Moi, je m'aime pas de même. J'aime pas ça avoir les cheveux longs de même. C'est pour l'hiver. Que bon, vous savez, ça fait des années que je fais ça pareil. Tout le temps, bon. Mais il reste que là, je commence à être fatigué d'avoir cette apparence-là. Bonjour Bertel, c'était quoi le trouble informatique? Ça passe par une compagnie. J'ose, j'ai de la misère à. Je vais faire attention, là, mais de ce que le technicien m'expliquait, là, parce que je disais, est-ce que ça se pourrait que c'est moi qui ai désinstallé, bonjour Camille, est-ce que ça se pourrait que c'est moi qui ai désinstallé des choses sans m'en rendre compte? Il m'a dit non. Il m'a dit non. Il faut que ça soit passé par telle compagnie, m'a dit la compagnie. J'ai acheté un cheval de Troie sans le savoir. Ça, parce que c'est un ordinateur américain, juge de, les pièces sont pas toutes faites, mais il reste que j'ai acheté un cheval de Troie sans le savoir. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que j'achète américain. Le prochain coup, ça va être Taïwan. Taïwan, les amis. En tout cas. Puis il dit, faut que ça aille passer par leur système à eux autres. Puis il dit, l'affaire de désinstaller comme une affaire, comme ma caméra encastrée, puis toutes les fonctionnalités, puis comment que ça a été fait, là. Faut que ça soit du monde. Parce qu'il a vérifié, il n'y a rien qui était. C'est comme si c'est comme. En tout cas, il m'a sorti un paquet de termes que je comprends pas. Vous auriez dû voir ça. Il était ici de 8h, 8h45 le matin, jusqu'à quasiment l'après-midi. Puis il à un moment donné, mon ordinateur, il attendait, puis là, ça tournait, puis on ne pouvait pas voir. Puis là, il s'est étonné, il a sorti quelque chose de son espèce de serviette, là. Il y avait une grosse serviette avec lui. Il a mis ça sur la table, puis il a branché mon ordinateur sur ça. Puis là, il pouvait voir. Puis ça allait plus vite aussi, je ne sais pas trop. Puis il était là, ben voyons donc. C'est comme si on m'avait installé de quoi pour que ça tourne dans le beurre. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais lui-même, lui, il n'est pas sûr. Hein? Moi, il me l'a dit, je ne suis pas à 100% sûr de ce que c'est. Mais il dit, je suis pas à 100. Comme il n'était pas à 100% sûr d'une certaine chose, il n'était pas à 100% sûr de d'autres choses. mais dit, j'ai jamais vu ça. Ça, je vois, c'est ça qui m'a marqué. Il avait jamais vu ça. C'est là que je dis, OK, aussi, combien ça a coûté? En tout cas. Puis le pire, c'est que j'ai payé, il voulait me charger moins cher parce qu'il y avait 1 heure d'entamer. J'ai dit, je vais vous la payer au complet, je veux que l'expérience soit agréable, puis comme ça, si je vous appelle, vous allez revenir. Être sûr qu'ils reviennent. C'est un bon truc, je vais être un bon client. Genre, je paye bien. Hein? Puis, pas besoin de. Du coup, je pense que vous êtes capable de comprendre. J'avais pas envie de. Bon. C'est ça. Est-ce qu'il y a des sujets? Je parle des sujets autres que ça, là. Parce que c'est le genre de choses, c'est délicat. Maintenant, c'est tout le monde qui m'écrivait que c'est, j'ai fait vraiment venir un gars très poussé qui travaille pour des. En tout cas. Si c'est des intéressés occultes, ça va se garrocher sur d'autres choses. Des interférences, non, ça n'a rien à voir. À un moment donné, il va falloir arrêter de tout interpréter de même. Ça va faire, à un moment donné, il va falloir être rationnel puis les pieds sur terre. Comme dernièrement, là, il y a eu des affaires, là, puis là, oh, il y a un background astral, là, ça va faire, là, je ne suis plus capable d'entendre ça. Là, ça devient des rationalisations puis des façons de. Ben, c'est ça, de rationaliser de l'irrationnel. Ça suffit à un moment donné. C'est pas des interférences occultes, genre, oui, c'est sûr, c'est caché. Ça a été fait par des affaires qui se cachent, mais c'est du monde en chair et en os. C'est pas de l'intelligence artificielle qui est pas rendue assez intelligente pour me spotter à ce point-là. Puis me faire de quoi te cibler à ce point-là. Parce que vraiment, c'était vraiment pour me. Comment je pourrais dire ça? Moi, je le vois comme. J'avais pas de. Je voyais tout le monde capoter, puis moi, je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe, puis tout, puis je me. Là, j'ai capoté. Là, je commence à être vraiment, là, je commence à être agressif, là, pour vrai. L'ordinateur, il a failli finir sur le mur une couple de fois. Heureusement que c'est justement, c'est par rapport à combien ça coûte, ces maudites machines-là, c'est la seule affaire qui m'a empêché de le détruire. Puis aussi le fait que c'est la seule façon que j'ai de m'en sortir. Donc. On peut plus hein, faire des, on peut plus acheter puis vendre des valeurs mobilières par téléphone comme avant. Je veux dire, c'est encore faisable, mais même là, moi, faut que je voie en direct mes affaires. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ce matin là, ça a passé proche. Ça allait tellement. Ah, je regardais ça. Ah, c'est une affaire de, c'est une question de seconde. Des fois, je mets mon affaire puis pour annuler un ordre et puis j'ai pas le temps. Heureusement que je suis prudent, puis que je m'arrange pour être dans une position que peu importe ce que je fais, je serai pas trop perdant. Mais quand même, c'est une affaire de seconde. Oh. Un film nommé Échelon avec la NEC, la NSA, à la Grande-Bretagne sont capables de cela. Oui, je le sais. C'est tout lié. La Nouvelle-Zélande, l'Australie. Alors, le monde va nous faire à cœur, c'est nos amis. Ah oui, c'est nos amis, ils veulent être annexés. C'est. Faut même pas que j'y pense. Faut même pas que j'y pense. C'est dans les choses, ce qui font que je peux pas intégrer certaines communautés parce qu'eux autres sont trop pacifistes puis ils aiment pas la critique. J'ai rien de pacifique, moi. Que ça rentre voir les Américains dans notre coin. Tout le monde va à la chasse, tout le monde est armé. Puis il n'y a pas personne ici, je pense, qui va tolérer ça. Ici, on n'est pas Montréal. Je comprends même pas cette mentalité-là de Montréal. Chris s'en fout. Je m'excuse, je ne voulais pas dire ça. Je m'échappe, là, faut que je pense à d'autres choses. Faut que je pense à d'autres choses. Hey, bonjour Stéphane. Monique, bonjour Monique. En ce moment-là, il y a des. Par rapport à votre prénom, là, il y a quelque chose par rapport à Monique. Merci Monique. Mais bon, ça serait un petit peu long. Puis j'ai pas le droit de. Il y a des affaires que. C'est comme ben. C'est comme. Il y a des affaires par rapport que j'avais mis 3 vidéos par rapport que je savais que le prix de l'or allait exploser. Puis il y a des affaires que je peux pas dire clairement. Parce que je suis pas un conseiller financier. Je suis pas. Puis même là, j'ai l'impression que là, j'aurais des problèmes, peut-être. Mais c'est pareil pour ce que je vous dis là. Bonjour Diane. Peu plié. OK, c'était pas ça avant. Bon, ben, j'ai vu quelque chose avec un logo qui ressemblait à ce que vous avez, là, comme. Mais c'était pas ça le nom. Je reviens. OK. Quand je vais avoir fini, je voulais tester, je voulais voir que ça fonctionnait de nouveau. Quand je vais avoir fini ce café-là, je vais. C'était ça, là, c'est ça, hein? Ouais. Vous avez changé d'arbre. OK. Donc, est-ce qu'il y a des sujets? Est-ce qu'il y a des choses? Le cours de l'or, ah, oui, j'ai tout vu ça. Mais c'est sûr, là, on entre dans une phase. Ils font exprès. Ils font exprès. Toutes les. Prenez la guerre en Ukraine, puis tout ça, des financiers qui en arrière de ça, puis Poutine, puis Trump, puis c'est tout du théâtre tant qu'à moi. Je veux dire, c'est un jeu. Il peut pas avoir de la croissance à l'infini. Au niveau, là, c'est rendu au niveau mondial. C'est expansion, contraction. Puis ça joue sur ça. Puis ceux qui savent, ben, comme c'est du darwinisme social quelque part. Donc, malheureusement, Montréal est une grande partie en nombre du Québec. L'argent et le vote ethnique, ça reste gravé dans ma mémoire. Ouais, mais vous savez qui a été remporté? Moi, je considère que c'est tout de la manipulation, là, ça a rentré. Je m'en rappelle dans le temps, j'avais regardé ça en direct, puis ça a rentré, là, à un moment donné, là. Donc, c'est pour ça, moi, c'était ça, je pense, entre autres. Je pense à mon pays, à mon monde, puis à mon pays. Puis, c'est sûr qu'il y a des choses que tout est manipulation rendu où on est, là. C'est une illusion. C'est pour ça que j'avais déjà fait une vidéo il y a longtemps. Ça fait des années, je pense, ça fait au moins 7 ans, où je parlais le pays imaginaire. Le Canada, c'est le pays imaginaire. Mais, je suis pas d'inconnu, mais là, pas non plus tomber dans les narratifs alternatifs qui nous viennent de la propagande des maudits Américains, de leur maudite niaiserie de citoyens souverains. C'est pas de même, ça marche. Regardez le monsieur, là, comment il s'appelle, non? Daniel, ben, qui est en prison, là, son procès s'en vient d'ailleurs. Il était persuadé qu'il n'y aurait pas de procès, lui, que les généraux américains, ils vont le faire sortir de prison. Pauvre. Je vais faire attention, là, mais j'ai pas de félicitations à faire à ce monde-là. C'est pas des lumières, tant qu'à moi. Mais même là, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Comme je vous dis, ils se sont fait jouer dans la tête. Ils se sont fait jouer dans la tête, puis ils croient à des narratifs alternatifs qui, au fond, c'est des choses liées aux agentures, ce que moi j'appelle des agentures, c'est-à-dire, ben, vous savez. Bon, c'est tout lié, on en a parlé tantôt, puis c'est ça. Fait que, puis pendant ce temps-là, ben, c'est pour ça que moi, je comprends pas, là. Je veux dire, là, ils pensent qu'ils vont se faire financer avec ça, avec ça. Etc. Si vous le comprenez, le jeu, comment ça marche, vous êtes supposé être vous autofinancer, être capable de tirer votre épingle du jeu de comment ça marche. Parce que je le sais, moi, voyons, là. À un moment donné, là, d'après vous, à quoi ça sert leur traînée chimique dans le ciel? C'est des sujets, ça, que j'ai pas envie de perdre, mais c'est là que on joue avec le feu de parler de ça de même. Mais il reste que, bon, c'est toutes sortes d'affaires. Moi, je suis dans ceux qui, il y a plusieurs sortes. C'est pas toutes les mêmes affaires, là. Puis bon, il y a ça à plusieurs fonctions. Puis aussi, il y a des affaires, des fois, c'est lié justement. Ça arrive des fois que c'est une forme de condensation. Qu'on le veuille ou pas. Mais ils vont tout le temps mêler la vérité au mensonge. Même la vérité est tout le temps à travers. Elle est souvent là, présente, à travers les différents narratifs, mais c'est mêlé ensemble. Bonsoir, Roselyne, Marie-Ève, bonjour. Donc, c'est des sujets qui sont, mais c'est aussi lié justement à. On est dans le militaire un peu, là. C'est pour ça que c'est des sujets délicats. Mais à quoi ça sert? Moi, je vous le dis, ça a plusieurs fonctions, c'est pas tout le temps la même chose. ce qui est mis, les quadrios au-dessus de l'Europe, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est ici, d'après moi. Complètement différent, même. Mais tandis qu'ici, ben, on dirait qu'ils pensent qu'un jour, les terres vont servir pour même de la culture. Mais ça montre comment ils comprennent pas, là. Ils font plus attention, on dirait, ici. C'est des compagnies privées, hein, les compagnies privées sont plus puissantes que les États maintenant. Ça fait longtemps que seulement ça a commencé que des institutions financières ont commencé à être plus puissantes que des États. Comment je pourrais dire ça? Ben, c'est un peu, vous savez ce qui est arrivé, là, les Templiers, puis Philippe le Bel, là, ce qui était trop puissant, ben, on est rendu avec des pareils. À un moment donné, moi, je le vois de même. Opération psychologique, entre autres aussi. Je pense que des fois, c'est purement esthétique ce qu'ils nous font. En haut de certains coins, bonjour Sonia, en haut de certains coins, j'ai l'impression les quadrilles qu'ils font, c'est purement esthétique, là, entre guillemets, là, parce que pour que les gens le voient. Mais justement, ça va être dans des pays, ce sera pas le Canada, par exemple. Ça va être dans des pays en Europe. Mais moi, je considère que ce qui se passe, l'Union européenne, puis bon, Ursula von der Leyen, vous voyez là, comment est-ce qu'il aide, il appuie le nouveau régime syrien, là, les nouveaux, ceux qui sont au pouvoir sont en train d'exterminer les chrétiens. Je dis ça, je dis rien. Mais les Européens sont rendus anti-civilisation occidentale. Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans, là. Bon, ça vient d'où? Ces mentalités-là, ben, c'est occidental, mais pas continental. Je dis ça, je dis rien. Mais moi, je vous dis, à mes yeux, c'est les suites de la guerre de 100 ans, qui a jamais pris fin. Fait que c'est ça. Bonjour, Steve. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben, je voulais tester le direct. Là, ça marche, ça fonctionne. J'ai même pas eu à ressortir la grosse caméra là, qui prend plein de place. Puis j'espère que je n'aurai pas le faire. Mais il faut que je l'étudie, je ne la comprends même pas. Ça fait pas longtemps que je l'ai acheté. Puis elle est trop simple. J'ai de la misère à. Moi, quand c'est trop simple, j'ai tout compte de la misère à comprendre. Les drones sur les drones. Sur la côte des États-Unis, c'est fait pour être vu et créer de l'inquiétude, une sorte de. Ça fait tellement longtemps que ça existe, les drones. Ben oui, il y a un paquet d'ovnis là qui ont été vus, des vagues d'ovnis là. C'est des drones. C'est des opérations psychologiques militaires. Il y a quelques. À un moment donné là, je veux dire, c'est clairement des drones. Moi, à un moment donné, la panique, il y avait quelque chose. C'était au-dessus. En plus, c'était au-dessus d'un bois derrière ma maison. La panique. En plus, une soirée, j'étais tout seul, j'ai pas d'appareil photo, j'ai pas de télé. Dans ce temps-là, bon, c'était pas comme. Moi, de promo, c'est des drones que j'ai vus. Mais il y a d'autres affaires, par contre, que j'ai trouvées, c'était bizarre, là, des petits nuages lumineux là, qui montaient puis qui descendaient. Ça, j'ai jamais compris. Mais il reste que. Après, en regardant par Google, machin, j'ai vu que c'est comme ça allait où il y a un lac. Mais il reste que quand même. Moi, c'est le côté hypocrite. Je m'en fous de ce que c'est. Je m'en fous de ce que c'est, que ce soit militaire, que ce soit des extraterrestres. Peu importe ce que c'est, moi, je suis enragé contre ce que c'est. Même si je sais pas c'est quoi. C'est le côté hypocrite qui m'écœure. J'avais écrit un commentaire dans le chat sur les traînées dans le ciel et ton dernier live, mais ça a été censuré tout de suite sans paraître dans le chat. Comme, ben, tu vois, ben, moi, je considère que c'est justement pour donner encore plus de crédit à ces affaires-là, puis nous faire paranoïer. La censure. Des fois, ils vont censurer des choses anodines, mais c'est pour d'autres raisons que de censurer. C'est pour ça que je fais attention, dans le sens que je suis jamais sûr de rien. J'ai tout ce qui est invérifiable, je fais attention. Au sens où, je m'embarque pas dans un narratif spécifique, jamais. Parce que dans le fond, je le sais pas. Quand on le sait pas, on le sait pas. Puis, dans le fond, ça peut être ci, ça peut être ça, tant qu'il y a des possibilités autres, je fais attention. Mais c'est pour ça que j'ai bien de la misère avec ceux qui sont dans un narratif. C'est vrai que c'est pour faire peur. Bon, en tout cas, si c'est ça, ça marche un peu aussi. Parce qu'il y a du monde, si vous les censurez, ils se mettent à crier encore plus fort. Ça, c'est pas bon signe, parce que d'habitude, quand ils veulent vraiment, vraiment, vraiment à tout prix censurer quelqu'un, ben la personne, elle, oh, elle meurt. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que Trump, je me suis méfié beaucoup en disant, ben là, s'il était vraiment un problème, il serait mort. Il serait pas mort politiquement, il serait pas mort au niveau de sa réputation, il serait mort, mort. Il serait, comme vous voyez, les diversions, là, ils ont sorti des paquets de documents sur l'assassinat de Kennedy. Puis là, le temps que le monde lit ça, et c'est des. Vous pensez combien c'est de documents, la taille de documents que ça représente. Ils ont eu le temps de faire le ménage là-dedans. Tant qu'à moi, là. Puis je m'en fous, moi. Qui c'est qui a tiré sur Kennedy? Je m'en fous. Que je voulais que ça me fasse, ça change quoi? C'est pas ça qui va, bon, hein? Attirer l'attention, faire peur afin de manipuler, dominer, ouais. Dans le fond, là, c'est tout le temps en autant qu'ils contrôlent. En autant qu'ils contrôlent. Souvent, ils vont contrôler un narratif officiel, puis aussi un narratif officieux ou des narratifs officieux. Alors, aussi, puis quelque part, la vérité est tout le temps cachée quelque part dans tout ça. C'est tout mêlé, c'est tout mélangé, c'est tout tricoté. C'est des sciences, c'est une science. C'est comme la. Voyons, il y a un nom pour ça. Giordano Bruno, c'était une de ses. C'était une de ses spécialités. C'est comme. Je lisais à un moment, il n'y a pas longtemps, un livre, c'est Sur Hildegarde de Bingen. Puis dedans, ça parle de Trithème, Jean Trithème. En tout cas, c'est ce que je pense. Ceux qui dérangent vraiment. Disparaissent chercher les morts. Ils avaient le bon filon. Des fois, non. Parce que des fois, ils peuvent tuer quelqu'un. Là, attends, je fais attention à ce que je dis. Faut que je fasse attention les mots que j'emploie. Ils vont se débarrasser de quelqu'un pour lui donner du crédit et en faire un martyr. Exprès. Ça, c'est quand il y a un idiot utile qui s'en serve jusqu'au bout. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas qu'Alexis Cossette-Trudel le magnifique. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est la guerre hybride et nous sommes le terrain. Ouais. Ben, la guerre, c'est sur tous les terrains. Tous les terrains. À un moment donné, il faudrait faire des permutations, genre tout est dans tout. Comme psychologique, guerre, finance. Donc, il y a la guerre psychologique, la psychologie de la guerre, la guerre de la finance, la finance de la guerre, la finance de la psychologie de la guerre, la guerre. Puis, à un moment donné, on finit, c'est un peu comme Raymond Lulle, ceux qui connaissent Raymond Lulle, les permutations avec les triangles dans des cercles. Il y en a qui pensent que c'est des affaires occultes. Non, non. C'est tout concret. C'est des façons, c'est des sciences, une façon de justement vous configurer les synapses dans votre cerveau pour voir autrement, puis voir plus vite, puis plus facilement. Puis voir des choses que vous verriez pas autrement. Puis c'est des sciences de cognitives. Donc, ce qui est bon. Jeter un os à ronger, oui, il y en a. Mais le pire, c'est que des fois, on va jeter des vérités comme des os à ronger. Il y en a un là, que j'ai absolument pas confiance. C'est ben, je vais être franc, j'ai confiance en personne. Mais l'autre, le rock saut au cœur. Je fais un bout, je vais pas regarder ce qu'il fait. Là. On nous distrait par la gauche, on nous piège par la droite. Ouais, puis vice-versa. Dans le fond, là, c'est des jeux. C'est des jeux, puis ils sont bien bons à ça. Je veux dire, il y en a qui ont étudié ça. Puis, dans le fond, c'est quoi qu'il dit Machiavel? Il dit l'art de gouverner, c'est l'art de manipuler. Il faut que ce soit synonyme dans notre esprit. On n'a pas le choix. L'affaire, moi, ce que j'ai toujours dit, la seule chose dont je suis sûr, dont je suis certain à 100%, c'est qu'on est manipulé. C'est la seule affaire, là. Qu'on peut être certain, mais il reste que quand c'est dans le domaine de l'invérifiable, donc il reste que c'est bien fait, mais c'est parce que c'est les mêmes façons depuis tellement longtemps, depuis des siècles. Regardez Pierre Blanchette, que moi je considérais que j'étais un allié pareil de ce gars-là, puis qui, comment qui est revenu me donner de la chenoute. Encore, qui accroche encore sur des détails. Je me rappellerai tout le temps, à un moment donné, ça fait des années de ça, j'avais écrit quelque chose en une phrase, j'avais juste écrit en Christ, puis il m'avait sauté dessus dans les commentaires. Tu es démasqué! Tu es démasqué! Comme si j'étais un protestant, puis là, Ben oui, mais c'est quoi le problème? Je ne suis pas un protestant, premièrement. Ben, dans le fond, je ne suis pas catholique non plus, mais dans la page, je ne suis pas confirmé, mais là, je ne suis pas protestant. C'est quoi, là? C'est un crime de. C'est quoi, là? C'est quoi le problème? Tu es démasqué, t'es-tu fou, toi? C'est quoi ton problème? T'es viré sur le top, toi? Maudit, je me dis, il est fou. Il est fou. Complètement fou. Je veux dire, moi, si j'ai des alliés, je m'en fous, là, qu'ils soient méthodistes ou pentecôtistes ou catholiques ou je m'en fous, là. Tant qu'on a des intérêts convergents, je vais pas me mettre à sauter dessus. Tu es démasqué. Il est complètement malade mental. C'est de la folie, là. À un moment donné, ça fait que là, je m'en occupe plus, qu'ils viennent plus jamais me demander rien, qu'ils ne m'ont jamais rien demandé, regardez bien. Mais il n'y aura pas d'alliance possible. Moi, je n'ai pas confiance. Puis quand j'ai pas confiance, j'ai pas confiance. Là, je me demande si c'est pas un agent. Je me demande s'il n'est pas le contraire de ce qu'il dit. J'ai jamais vu. Dans le fond, c'est satanique, là. Je veux dire, y a-tu quelqu'un qui publie autant d'images sataniques que ce gars-là? Dans le fond. Puis qui répand de la paranoïa, puis de la folie, puis accroche sous des détails que finalement ça change rien. Hey, je rappellerai que Bernard Drainville, il a reculé sur le nom des écoles, que j'avais pété une coche. Je dis pas que c'est moi nécessairement, mais ça a pas dû nuire. C'est-tu lui qui aurait fait ça? Ben non, lui accroche sur des conneries aux Oscars, puis les tresses à Madonna, puis la Red Chair, puis on s'en fout, là. C'est pas ça qui mène, c'est pas ça qui. Moi, c'est ici, ici, nous autres, en priorité. On verra le reste après. Ah, le discernement vaut de l'or à l'ère du postmoderniste, moi. Comment vivre dans un monde si schizophrénique? Ben, on le fait pareil. Moi, je continue pareil. Mais il reste que je me suis. Lui, là, quand il m'est tombé dans la tomate, là, tu as une chose en commun avec les alerteurs, devine laquelle. Hey, là, je m'en venais pas de bonne humeur. Je suis toi, là, moi. Commence par venir me jouer aux devinettes, puis j'ai, à un moment donné, j'ai dit dans les commentaires, prends-moi un extrait. Un extrait, puis là, on va le voir si c'est vrai ce qu'il dit, que ça prend juste une réclamation, puis ça chaîne ça. On va voir s'il ne compte pas des bips, hein. On va voir si c'est vrai pour vrai. Parce que là, je l'aurais fait. Qu'il me prenne un extrait. Puis je fais une réclamation. Sans aucun remords. Aucun. À un moment donné, là, ça va faire. Les extrémistes ont des œillères immenses. Ouais. Les extrêmes, c'est jamais bon. Que ça soit d'un bord ou de l'autre. Je veux dire, dans le sens que on était mal éduqués, puis on était conditionnés pour être dans les extrêmes, parce que c'est par la polarisation puis l'inversion que ça marche. À un moment donné, c'est d'être tempéré un peu. C'est de la colère mal dirigée. Plusieurs se sentent piégés. Cela ressemble à cette expérience où deux sortes de fourmis sont enfermées dans un bocal et l'expérimentateur brasse le bocal. Ah, oh, j'ai pas vu ça. Mais j'ai vu ça en sociologie, là. Comme, mais pas en fourmis. J'ai vu ça avec du monde, des expériences avec du monde, genre au niveau de comme des ghettos pis des affaires de même, là. Mais les fourmis, est-ce qu'il y en a qui ont vu le film? Comment ça s'appelle donc? Comment ça s'appelle? C'est des fourmis, ils deviennent, ils prennent le contrôle d'un laboratoire, d'une sorte de station de laboratoire. C'est des scientifiques ils se rendent compte qu'il y a un changement au niveau des fourmis, au niveau des phéromones, puis leur comportement, puis ils créent une espèce de base, puis elles s'entretiennent. Ben, c'est juste normal, ça. Je veux dire. Prenez, je veux dire, c'est comme des. C'est juste normal, là, je vous pose comme si vous me diriez on met des termites puis des fourmis dans la même patente, puis là, ils se battent. Ben oui, mais. Voyons. Ce qui serait surprenant, c'est qu'ils se mettent à collaborer puis à se revirer contre nous autres. Ça, là, je trouverais ça surprenant. Drainville ne pouvait que reculer au sujet des noms des écoles dans le contexte de. L'intrance islamique, ça aurait été vu comme film. Bon, c'est pas l'islam qui est visé. Ça n'a rien à voir, ils instrumentalisent les musulmans, mais c'est les catholiques qui sont visés. C'est les chrétiens qui sont visés. S'il y a 64% du monde qui s'identifie encore comme catholique, imaginez si on compte en plus tous les protestants, puis toutes les autres confessions chrétiennes. Il y a des Quakers, hein, au Québec. Il y a une assemblée à Québec. The Quaker. Hein? Le monde ne savent pas ça. Il y a toutes sortes d'affaires, on les a toutes, hein? Donc, à un moment donné, si on est qu'à 90%, à un moment donné, là, on nous fait des accroires, on nous fait des accroires. Les fourmis étourdies s'attaquent entre elles, ne reconnaissent plus leur semblable. Ah, OK, là, je comprends plus. Ça me fait penser à... Bon, voyons, on voit ça dans la version de John Carpenter du village des Donuts. À un moment donné, les policiers qui se tuent entre eux autres. C'est pas pire. Un épisode de Au-delà du réel. Ah oui. Ah. Mais moi, je vous parle, le film avec les fourmis, c'est Phase quelque chose. Phase 4, je pense que ça s'appelle. Un film des années 70. Même les fourmis se mettent à développer des héraldiques. Ils ont des symboles, puis des factions, puis ils ont des... ils transigent entre elles. C'est très spécial, puis vers la fin, l'humanité est perdue. Me semble bien que c'est Phase 4. C'est des films peu connus, hein, moi, que je vous donne sous le temps des affaires. C'est comme à un moment donné, il m'avait dit que tu suggérais un film, j'avais dit le chien blanc, le White Dog. Oui, c'est ça, Phase 4, oui. C'est pas pire, ça. Il y a plein de thèmes là-dedans qui sont très brillants, qui sont très intelligents. Puis, c'est ça. Puis c'était un film qui passait jamais à la télévision, jamais. Il y en a un autre film, je me rappelle plus c'est quoi. À la fin, le monde fonde. J'avais vu ça à Ciné-Frisson à TQS, genre en 87, 88. Les Québécois ne sont catholiques que de convenance. Il n'y a plus de fond. Moi, je le sais, de toute façon. L'affaire, c'est que les valeurs moins socialistes. L'affaire, c'est que c'est une question d'histoire puis d'identité. Au niveau psychologique, on était jusqu'à un certain point amputé de quelque chose pour des raisons d'ingénierie sociale. C'est là, moi, que j'accroche le plus puis que ça me choque le plus parce que c'est clairement voulu. C'est voulu, c'est planifié, c'est pensé. Puis moi, je suis pas en amour avec ça, là. Je suis pas à genoux à terre en avant de ça, mais j'ai bien plus de respect pour ça que pour la maudite maçonnerie. Puis que les histoires de qu'on nous compte, puis comme dernièrement, je jasais, puis je me rends compte, le monde, il rejette quelque chose qu'ils connaissent même pas. La coupure est consommée. On me demande c'est quoi la grâce, on me demande un paquet de choses par rapport à des principes de base. Que c'est comme dernièrement, je parlais avec quelqu'un, la vallée de Josepha. La vallée de Josepha, là, ça veut pas, ben, je disais, ben, il est supposé avoir, après Armageddon, le jugement, puis la vallée de Josepha. Je veux dire, même les illettrés au 19e siècle au Québec savaient ce que c'était, ça. Ça a été complètement, les gens, j'entends souvent du monde dire, ah, telle gang, ils sont trop chrétiens, je veux rien savoir, mais oui, mais tu sais même pas c'est quoi le christianisme, parce que tu parles de du monde qui savent pas non plus c'est quoi, puis qui ont même pas rapport. Ça a même pas rapport. C'est même pas ça. Hein? C'est un peu comme, qu'est-ce qui est canonique dans telle confession, c'est quoi la loi canon, c'est quoi ces affaires-là. Pourquoi une banque ne devrait jamais prêter au taux d'intérêt qu'ils font? Ben, c'est pas chrétien. Dans le sens que ça va contre notre civilisation, les principes de base de notre civilisation. À un moment donné, on était complètement viré à l'envers. On se souvient même plus de ce qu'on est, d'où ce qu'on vient, puis c'est quoi qui a fait que ça a été une grande civilisation. Puis qu'aujourd'hui, ben, c'est ce qu'ils couronnent Angleterre. On fait avec tout les peuples qu'ils ont colonisés, voilà. Vous venez de mettre le doigt dessus, parce que les autres sont pas chrétiens. Dans le fond. Je dis pas toutes, là, mais je parle de ceux qui sont... À un moment donné, il faudrait parler de l'île de Man. L'île de Man, hein? Puis, ça a été de la Saint-Patrick il y a pas longtemps. C'est quoi les serpents que Saint-Patrick aurait chassé de l'île d'Emeraude? C'est pas des serpents, là, juste des sapsis. Non, on parle d'autres. En tout cas, faut faire attention, là. Ici, ils ont commencé avec les Premières Nations. Ben, les Premières Nations, des fois, le monde sont plus chrétiens que nous autres. De ce que j'ai vu, là. En tout cas, pensez-vous que la bourse pourrait s'écrouler totalement? Comment c'est possible? Non. C'est des crises évoluées. C'est des crises évoluées. Quoique des fois, je regarde aller ça, puis je me dis, moi. Mais comme anciennement, il y avait des écroulements d'un coup, ce que les Allemands appellent des cracks, là, puis que souvent on va traduire par des crashs. C'est parce que il y avait trop de croissance, des trop longtemps, puis à un moment donné, ça fait comme une immense bulle, puis ça tombe. Puis même là, c'est la panique, puis parce que c'est irrationnel, dans le fond. C'est pas sûr, ce qui fait la valeur d'un titre, ça va pas nécessairement. Bon. Là, ils ont changé, c'est expansion, contraction, on programme des petites crises, c'est tout voulu, puis tout là, comme ça reste stable. Donc, on a des phases, puis d'autres de prospérité, puis c'est lié au financement des guerres. Comme vous avez Première Guerre mondiale, juste avant, il y avait eu une belle période qu'on appelle justement la belle époque. Après, il y a la Première Guerre mondiale. Après, il y a une période de prospérité qui est les années 20. Après, il y a une crise les années 30. Après, on refinance une guerre des années 40. Après, période de prospérité les années 50. Après, une autre crise dans les années 70. Ça fait ça, là. C'est ça, expansion, contraction, le marché. Tout est fait comme ça maintenant. C'est une façon de garder le contrôle. Donc, l'affaire d'un effondrement d'un shot, si on vraiment planifie quelque chose comme ça ou que ça arrive d'une façon fortuite, moi, je le vois pas venir tant que ça. Comme même aujourd'hui, comme Trump, moi, à mes yeux, il fait exprès. Ils font exprès. C'est pour ça que moi, j'avais fait trois petites vidéos, je les ai enlevées, là. Au cas où il y en a, là, qui iraient aller chercher, j'avais dit, vous allez chercher votre cadeau. Après, on m'écrivait, c'était pas clair. Ben oui, mais j'ai pas le droit d'être clair. Si je suis trop clair, puis que je me trompe, puis que vous perdez de l'argent, je vais me faire poursuivre, puis vous allez avoir raison de me poursuivre. À moins que je mette des disclaimers à pu finir. Je peux pas faire ça, faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais. En tout cas, les concepts religieux catholiques comme la grâce, pas juste la catholique, là. La grâce, pas rien. En tout cas, ont été transférés dans le spiritualisme New Age War. Mais même là, ils savent pas c'est quoi. Ils peuvent pas savoir c'est quoi la grâce. J'ai jamais vu rien d'équivalent dans le fond dans le New Age. Ils ont remplacé par des. C'est comme si on prenait une pomme et on remplaçait ça par une poignée de jujube. C'est pas très équivalent. Hein? Entre autres, permis d'autres buts. Ouais. La raison d'être vigilant, oui, il faut, j'ai pas le choix. J'ai assez de problèmes comme ça. J'ai assez de problèmes de même. C'est des darwinistes sociaux. Donc, ils vont respecter celui qui est rusé et qui est, hein? Le monde, il pense, c'est comme polarisé, genre, soit t'es de leur bord, soit t'es de. Non, non. On n'est pas leur ennemi ou leur ennemi. C'est pas comme ça que ça marche, là. C'est plus. Il y a un crash financier aux 100 ans environ. Plus ou moins. Mais il y a une crise aux 15 ans. Ça, oui. Mais à cette heure maintenant, aux 100 ans, ben, c'est comme la panique qu'il y a eu là, dans les années 1890. C'était pas une crise comme il y a eu en 1929. Là. Donc, même là, il y avait ce qu'il y avait eu une crise. Oui, il y a des crises, mais lisez ma question, ma première question. Je l'ai peut-être pas vue. Ben, je la vois pas. Moi, je vois, entre autres, parmi d'autres buts. Puis je vois rien d'autre. C'est pour ça que je vous dis, je voudrais bien, mais j'arrive pas à voir le fil. Puis si je remonte, là, ça m'est déjà arrivé que en tout cas, je perdais le fil du chat, puis ça marchait plus. Mais bon, réécrivez-la. Au pire. Mais c'est pas une question, je vois pas de point d'interrogation. Donc, mais l'affaire, pensez-vous que le grand jeu peut servir à voir les valeurs humaines? Ben oui. Tout peut servir à tout. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Karine, il y a de la censure robotisée. Ah, moi, ça se peut. C'est possible parce que je l'ai vraiment pas vu. Le long-termisme selon leurs valeurs élitistes, maintenant que l'ouvrier est remplacé, nous vend l'idée que le troupeau est trop gros à gérer. L'ouvrier est tellement remplacé, vous trouvez? Moi, je trouve qu'ici, comme par exemple, les Canadiens français sont en train de devenir des cadres, puis que justement, il y a de l'esclavage moderne. Je veux dire, on a tellement eu des migrations, puis ils sont traités vraiment, moi, je suis pas d'accord, là. Parce qu'ils louent des appartements pas longtemps, c'est des agences, c'est des contrats avec des agences, des fois ils sont 8-9 dans un appartement. C'est des conditions que moi j'appelle ça de l'esclavage moderne. Donc, moi je la vois. Ah oui? Ah, eh bien. Ben, c'est peut-être parce qu'il faudrait que je remonte le fil du chat, puis ça ne tente pas. Faut filtrer pour voir tous les messages dans le chat versus les meilleurs messages. Ah oui, même dans le chat, j'ai déjà vu ça dans... Ok, ouais, peut-être top en haut, là, ce que je vois, là, les fonctionnalités. Ben, comme c'est là, je pense pas que j'aurais besoin de prendre de modérateur, par exemple. Pas à cette heure-là. Donc, les sans-papiers sont traités parfois comme des bestiaux. Oui. L'affaire, là, c'est que moi, je trouve pas que les prolétaires ont été tellement remplacés que ça. C'est juste qu'il y a une sorte, ce qu'on appelle les pays en voie de développement, puis la tiers, dans le fond, là, non, je le vois. Moi, ce que je vois, c'est des masses de cheap labor qui sont vraiment exploitées, puis qui sont déplacées, puis qui servent même à des jeux politiques. Les migrants là, qui se ramassent dans des tentes le long des fleuves en Europe, c'est des États qui ont décidé ça, puis ça crée une tension, puis ça permet d'instrumentaliser un problème qu'on a créé. Puis c'est là que moi je trouve ça complètement injuste, puis je trouve instrumentalisé totalement, même les gens qui sont émus de ça, les gens qui sont dans cette situation-là, les gens qui veulent aider puis régler ça, tout le monde est instrumentalisé. C'est pour ça que je m'en occupe pas. Je m'en occupe pas. J'observe, puis ça permet de voir qu'est-ce qui prend de la valeur, puis qu'est-ce qui en perd. Puis qu'est-ce qui va arriver. Puis pourquoi. C'est juste, je me demande tout le temps pourquoi ils font ça. C'est quoi qu'ils font ça? Le pompier pyromane. Exactement. Ben, c'est comme je parle depuis des années, le Maharaja, quand la population l'aime pas, il relâche un tigre. Puis là, le tigre, il mange quelques personnes. Fait que là, le Maharaja, il part, il fait la chasse au tigre. Il rattrape le tigre, il fait semblant qu'il l'a tué. Il sort tout le temps la même peau de tigre. Alors, dans le fond, il remet le tigre en cage. Puis là, tout le monde est content. Puis là, bon, c'est un peu comme ça, les problèmes. L'esclavage moderne existe aussi en France avec des équipes d'ouvriers versus des pays de l'Est. Ah oui, ben, la guerre en Ukraine. En tout cas. Merci Mimi, ça marche. Tous les messages. Ah, ok. Moi, je connais tellement pas ça, dans le fond. J'ai probablement le YouTuber le moins connaissant qu'il y a pas. Ben, il y a le YouTube Game, je le connais. Le rentrage dedans, puis tout, là, il y en a une couple. À un moment donné, c'était l'enfer, tellement. À un moment donné, hey, voyons là. Puis le pire, c'est je le connais, le processus psychologique. Moi, je m'en fous. Je veux dire, comment je pourrais vous dire ça? Il y en a sont vraiment vieux, je comprends pas pourquoi. Mais ils vont dire que c'est pas ça, là, mais bon. Je comprends pas. Ben, c'est sûr que je fais plus de vues que d'autres, parce que j'ai pas d'allure. C'est la seule raison, c'est une des seules raisons, pas que j'ai pas d'allure, dans le sens que ce que je fais, c'est... Mais je dis tellement tout ce qui me passe par la tête, je suis tellement spontané que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont moins spontanés puis qui réfléchissent à tout ce qu'ils disent ou bien qui essayent de faire des... C'est sûr que c'est moins écouté, ça marche moins. Tout à fait normal. C'est plate. Qu'est-ce que je vous dis? C'est pas de ma faute. Le monde, ils viennent choquer après moi. Ben oui, mais là, surtout du monde qui m'aime, qui m'aimait. Mais c'est polarisé, c'est pas long que si j'accorde pas l'attention, là, ils maïssent. C'est un peu comme des stalkers, dans le fond, qui pensent, là, ils ont une relation avec quelqu'un qui pense à une célébrité importante. Les célébrités, c'est tout des catins, on s'en fout. Mais ils pensent que, oh, là, ils l'aiment, là, ils pensent que, puis là, ils essayent, là, puis là, tout d'un coup, là, c'est, là, du, non, toi, je veux rien savoir, puis là, ils se rendent compte, pas de, puis là, ils se mettent à l'haïr, puis à harceler, puis ça peut durer des années. J'en ai une quinzaine de même. J'en ai eu une quinzaine de même. Puis à un moment donné, c'est du harcèlement. Eh, hey, bonjour, l'oiseau moqueur. Sais-tu que dernièrement, ça me faisait paranoïer? Je commençais à me demander, je dis, coudonc, c'est une police, gars, là. Ben, franchement, là, à un moment donné, là, je doute en crime. Les gens pensent qu'on comme moi. Ouais, ben, moi, je suis fou, dans le sens que je suis tellement. Mais faudrait que j'aille. Il aurait fallu, j'aille te voir dans ton coin. Mais l'affaire, c'est que je veux pas m'éloigner de mes affaires. Longtemps, même, faudrait que je le fasse en cachette. Puis même, juste aller faire des commissions en ville, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Hein, pas facile de faire confiance, moi surtout. Je me suis fait. C'est arrivé, je me suis fait pogner. Mais il reste que. Mais c'est comme je vous dis aujourd'hui, comme je voulais aller à la banque, déposer mon petit change, là. Du petit change. Puis je me fais revirer de bord. Moi, je sors pas de chez nous pour rien. J'étais. En tout cas, il va falloir que je quitte dans pas long parce que. Mais c'est ça. Je voulais voir là, que ça marchait, là, que ça fonctionnait. On apprend les bases pour très. Trader. J'ai pas envie d'apprendre ça via YouTube un cheap. Ben, fais livrer. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y a pas de livraison dans mon coin. C'est comme moi la fois là, que tu me disais qu'un chevreuil, un cerf, c'était plus gros qu'un orignal, là, je me suis sérieusement posé des questions. À me demander, voyons donc, es-tu sérieux, là? Parce que tu m'estimais qu'un cerf de Virginie, c'est plus gros qu'un orignal. Je me disais, voyons. T'es-tu sérieux, là? Là, je me demandais, je dis, pour moi, ce gars-là, il est pas d'une région dans le centre du Québec. Il est dans des bureaux, dans une grosse ville. Ça se peut pas, là. Mais c'est comme ici, il n'y a pas de livraison dans mon coin, là. Ça n'existe pas ici, là. Hein, je fais. Hein? Oui, je m'amenais, ouais, on était sur Skype. C'est moi, c'est la première fois que j'ai eu vraiment des gens. Mais peut-être que t'étais, je sais pas, peut-être que c'était un malentendu, aucune idée. Mais ça fait des années, là, mais ça m'avait créé un doute. Pas à peu près, là. Je suis là, voyons donc. Les taux vont bientôt livrer. Pas ici. Je suis sûr que non. Si ça commence à se faire dans certains coins, ici, là, ça va prendre 30 ans après. Mais il n'y a personne qui livre ici, là. Pendant le COVID, ils l'ont fait un peu, mais ça ne serait pas rentable. De toute façon, moi, c'est tellement spécifique que. Là, il y a une affaire que je me souviens pas. Pourtant, je sais qu'un orignal, c'est plus gros. Ben, c'est ça, je me demandais. Pour moi, il y a eu un malentendu, là. Ben, je te dis, ben, voyons donc. En tout cas, ben, c'est drôle, hein, c'est des détails de même, moi, qui fait que je suis là. Hein, quoi? Là, je viens là, tout s'effondre, puis je suis plus sûr de rien, puis je capote. Mais c'est comme ici, là, il n'y a pas de livraison dans mon coin, là, oublie ça, là. L'épicerie, il n'y a aucune épicerie ici qui livre à domicile. Dans la ville où je suis, là, ça n'existe pas, ça, là. Mais il n'y a pas d'orignal dans mon coin. Des chevreuils en masse, moi, c'est pour ça que je me disais, hein? Bon, ici, il y a beaucoup de. Il y a tout. On a toutes les bébites qui existent dans l'Amérique du Nord, quasiment. Ben, c'est comme on a même on a des lynx, on a des wildcats, là. Des pumas, on est toutes là, les carcajous, des pécans, des pécans. Ça, là, c'est comme un gros, comment je pourrais dire ça, un pécan? C'est un mustélidé, là, c'est comme une espèce de carcajou, mais qui ressemble plus à une espèce de gros wison brun. Puis ça reste caché, il y a des dindes noires dans mon coin, ben ici, t'es tout là. Ouais, il dit, ouais, ben il y en a, ça, il y en a pas mal dans le Québec, partout, moi, c'est l'affaire, le maire qui était reparti sa panique à cause des dindes. D'en avoir fait un show. Moi, être maire de la ville, là, la dinde, elle serait morte, personne n'aurait su rien. Ça n'aurait pas été aux nouvelles. Voyons, là, c'est quoi, là? Ils ont donc bien des pieds dans la même bottine, ce monde-là. C'est n'importe quoi. Tout pour faire des tempêtes dans des verres d'eau, puis des shows, puis passer à la télé. Moi, je le vois de même, là. Pas le gouvernement pour obligé d'être au courant de ce que toute la mairie se confie, puis tout, c'est pas obligé de passer devant le conseil tout le temps, voyons. J'adore tes vidéos, je me demande, malgré la méfiance et la nature humaine, c'est quand que Là, on organise un véhicule contre ce chaos organisé. Moi, j'organise rien pantoute. J'ai décidé ça, là, avec toute la marde que j'ai eue dernièrement. Là, moi, je fais rien. Moi, je fais rien. J'augmente mon rendement, puis c'est tout. C'est tout. Là, j'ai pété 50% de rendement, là, parce que je me concentre sur mes affaires. C'est de valeur, là, mais c'est de valeur, mais c'est ça le nerf de la guerre, puis ça va passer par ça, puis jusqu'à un certain point, quelque part, il y a un petit peu de chacun pour soi. Diversion, moins. Ben, bonjour, Marie-Laure. Ah oui, il y a des Marie-Laure dans mon coin. Il y a une dame, là, une des fondatrices des villages, là, qui s'appelait Marie-Laure. Mais elle l'écrivait avec, il me semble qu'il y avait un dé à la fin. J'en ai mangé l'an dernier, de la dinde sauvage, c'est très bon. Ouais, c'est fort, hein? C'est plus fort, c'est. Moi, ben, c'est comme les. Voyons. Ils sont même bien de la perdrix, même j'en avais à côté. À un moment donné, j'ai vu une perdrix. Puis, je suis en pleine ville, là. Ben, ville, c'est une petite ville, là. Je pensais justement à ça. Ah, hey, salut. Ah, Franck, bonjour. Et Karine. Salut, Franck. Bonjour, Lucie. Avec un nœud papillon et un petit chapeau. Ouais. Comment ils appellent ça, ces chapeaux-là? C'est porcupine. Le porcupine, les petits chapeaux avec les petits rebords, là. Maudit que c'est laid. Bon, je veux dire, ça, c'est une affaire de goût, là. Faut pas que je pas de l'intimidation que je fais là. Mais moi, tout, j'en ai un chapeau, mais c'est pour l'été quand il fait bien, bien soleil, quand je suis dans le petit jardin à côté, je me promène pas avec ça, là. Mais il reste que moi. Bon, ben, je pense qu'il va falloir que je quitte, commencer ma. Je voulais aussi avoir des nouvelles de quelqu'un qui revenait de la ville à côté. C'est Marie-Laure de Bretagne. OK, je me trompais pas. Ah, donc, il fait moins des coins où ce qui fait. C'est des coins de la France qui fait pas toujours beau, là. De proche de la mer. Pareil, je sors pas pour rien. Puis j'organise rien, moi non plus. À un moment donné, c'est parce que ils veulent qu'on s'organise. C'est bien plus facile. Mais j'en avais déjà parlé que toutes les petites choses séparées, c'est plus dur. C'est plus. Ici, les mimosas sont fleuries. Les mimosas. C'est une fleur que je vois une plante que je connais pas. Moi, ici, les mimosas, c'est du champagne avec du jus d'orange. Puis c'est servi dans des. Certains brunchs quand j'ai des places un petit peu. Mais ben c'est ça. Il y avait tout. Dans Popeye, il me semble le bébé s'appelle Mimosa. En mon souvenir, là. Parce qu'il me semble quand j'étais enfant, puis, je l'appelais Mozzarella pour faire exprès. Tout le temps eu animaux, pas drôle. Mais moi, je commence à dire des conneries. Il va falloir 5h33. OK, moi. Je veux voir là, par rapport à des nouvelles, par rapport à quelque chose là, qui se passe en ce moment dans mon entourage. Je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est un arbre jaune. Ah oui. Ça a été une grosse journée. Ça a été une grosse journée. Ben, premièrement, c'était l'affaire de la FED, là. C'est le taux directeur, ce qu'il allait faire. Puis j'ai attendu après ça toute la journée. Ils commençaient à se rencontrer vers 9h. Ah, oh, ils sont fatigants. Maudit. Ça joue sur tout. Ça joue sur tout. Là, ils sont en train. Se rire du monde de même, ça se peut pas. Là, je regardais les affaires descendre. Ah. En plus, j'avais fait une transaction un matin. Puis j'ai voulu l'annuler à la dernière minute, pas c'est pareil. Puis là, je regardais ça descendre. Je le savais qu'il allait rien faire eux autres, mais pareil, pareil, pareil, je regardais ça. C'est incroyable, hein? C'est pour ça qu'il y en a qui disent, oh, on est dans le réel, dans l'action, puis blablabla. Oui, mets le trois quarts de ce que t'as. Puis joue tous les jours avec. Tu vas voir, c'est quoi? Dans le sens que comment que des fois je capote. Je capote. Faut que je me lève puis je me promène dans l'appartement ici. Là, je sais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, je regarde tout, hein. Je regarde tout. À matin, c'était. Je regardais il y a le journal Les Affaires. Je ne sais pas pourquoi, des fois, ils vont sortir un article le matin. Ce qui bouge avant l'ouverture. Puis là, je vais voir, puis ils disent rien, ils disent rien. Et là, je vais voir le Wall Street Journal. Les autres, ils parlaient de Trump, Trump, Trump, Trump, Trump, Trump. T'es pas supposé être un journal d'affaires. De quoi tu parles? Tu me parles que Trump, il sort des affaires sur Kennedy. On s'en fout. C'est pas ça qui va jouer dans la journée. C'est quoi ces affaires-là? Puis en plus, je suis pas abonné à rien, je veux pas. Fait que là, j'ai pas les articles au complet. Puis, oh, que okay, je deviens en colère. En même temps, c'est rendu la seule adrénaline que j'ai. Je veux dire, c'est devenu la seule. Le seul stimulant dans ma vie, c'est devenu la seule affaire que c'est l'adrénaline puis l'endorphine que certains cabochons vont avoir aux machines à sous à passer proche de gagner de quoi. Moi, je l'ai à passer proche de perdre. Puis je viens. Puis le pire, c'est pourtant je suis prudent, puis je fais attention. Puis hein? C'est eux qui ont inventé le Monopoly. Ben, le Monopoly il est inventé en s'inspirant d'eux. Puis c'est comme le petit bonhomme Monopoly, c'est clairement une caricature de JP Morgan. Carrément. C'est pour ça l'histoire d'effet Mandela, c'est de la merde, là. C'est une création de faux souvenirs, ça, parce que JP Morgan n'a jamais porté de monocle. Donc, le petit bonhomme de Monopoly qui est inspiré de JP Morgan, il n'y a pas de monocle. Mais c'est parce qu'on est tellement habitué dans notre esprit à associer les hautes formes avec le monocle, que ça vient créer le faux souvenir qu'il y en avait un. Parce que Mr. Peanut, c'est un monocle. La sardine millionnaire et tout, me semble, un monocle. Le petit bonhomme des Turtles, c'est un monocle. Ça vient créer, tu sais, c'est là que je vous dis, ouais, André et Aline, oui. Ben, on vit des grosses émotions, je peux vous dire ça. Moi, en tout cas, ça. C'est rendu la principale source d'émotion de ma vie, de sensation, de tout, là. Il n'y a pas pire, hein? C'est la pire affaire. Je sais que c'est pas gentil, mais j'aimerais ça que la bourse, ben, pas moi. Hey, dites pas ça, là, vous. D'un autre côté, ça me libérerait peut-être. Mais il reste que d'un autre côté, c'est peut-être la seule possibilité que. Il n'est jamais trop tard hein, pour apprendre ces affaires-là. Comme le film Cité Obscure. Ouais, dans Cité Obscure, c'était quoi le lien? Retour aux valeurs. Ouais, mais il y a tout le temps eu. Prenez au 17e siècle en Hollande, puis il y a eu une bulle, des bulles de tulipes, puis je veux dire, ça a tout le temps été. Hein. C'est un Japonais qui a inventé le papier-riz. Donc, il y avait des spéculations sur le riz. Ça devrait être interdit. Ça, c'est inacceptable. Il y a des spéculations sur les farines, sur le riz, sur le pain. Parce que il y a eu jusqu'à un certain point des spéculations sur les farines que ça fait monter le prix du pain. Pourquoi? Parce qu'en France, il y avait des lois contre ça. Puis pourtant, non, il y a des. Ils ont en tout cas. Puis le monde s'est mis à spéculer sur les farines, ça fait monter le prix du pain. C'est dans les villes, bien entendu, que ça a créé des problèmes parce que dans les campagnes, je veux dire, si vous avez vos propres farines, puis vous allez chez le meunier, ben bon, il n'y a pas de problème, là. Puis des patates, ouais. À moi, mes patates, j'hésite à vous montrer ça, là. Moi, je mange pas beaucoup de patates, je suis un mangeur de riz. Puis depuis que ma mère est plus là, les patates, j'y touche pas. Ben là, ils sont dû à planter. J'ai des tiges, là, ça a aucun sens. C'est inacceptable. Mais là, je veux pas les jeter. J'aimerais ça les planter, mais ici, c'est encore l'hiver. En tout cas, c'est nous, les patates. Le gibier, c'est nous, le gibet, c'est pour eux. On verra. Les mémoires infectées. Bien d'accord que l'on ne doit pas tomber en dedans, les plantes en dedans, ben vous savez ce que ça fait, des tubercules, si on les laisse dans un endroit frais, à l'ombre. J'ai l'impression qu'on a un mélange techno de. C'est peut-être indécent, mais je vais vous le montrer. Ça va conclure, là. Et que je suis pas correct. Il y a du monde qui vont trouver que là, j'exagère d'oser montrer ça. On va baisser ça, là, pas que vous voyez trop. Oh, enlever mes papiers. OK, on devrait bien voir. Regarde bien ça. Je sais pas si on a bien vu, là. Quand je dis de quoi, c'est vérifiable, hein? À un moment donné, David Lévesque, il est arrivé ici, là, puis il a pu voir que tout ce que j'avais dit, c'était ça. Donc, ça n'a pas de bon sens. Il y a quelque chose d'indécent à montrer une affaire de même. Moi, pour moi, là, parce qu'il y en a bien qui trouveraient ça gênant. Mais je veux pas y jeter. Je veux pousser bien des plantes. Qu'est-ce que tu dis, Sonia? T'as pas vu? Ben voyons. Vous l'avez pas vu? Mes patates? Bon, un instant, m'en aller chercher. Là, les voyez-vous? C'est dur. Hey, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas pourri, c'est juste germé d'une façon. Là, faudrait que je les plante. Que je les plante. C'est ça que ça fait quand on mange plus de patates. Puis qu'on attend. Puis qu'on n'ose pas les jeter. Là, il faudrait bien que je les plante. Ils sont dus, là. Puis ça va me faire des belles fleurs. Mais ici, c'est encore l'hiver. Oui. Mais en plus, chez moi, je garde ça très. Je chauffe pas beaucoup, hein. Donc, c'est comme un caveau pour germer, ce que j'ai là. Donc, ah, j'entends un minou. Viens, minou. Viens. Tu viens t'élever. Viens. Qu'est-ce que tu fais là? Viens voir. Il y a des gens. Oui. Tu viens t'élever. Bon, qu'est-ce que je fais avec les patates? Moi, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, ben moi, il y en a qui rient. Oui, il est gros, tigri. Il est énorme. Je comprends pas. Je pensais qu'il maigrirait. Ben non, il avait commencé à maigrir, puis... Hey, c'est un... Bon, j'ai un petit mille pattes, ça recommence, ça veut dire que c'est déjà l'auto. Bon, on va aller tuer ça. Mange-les! Hey, mange-les! Pourquoi tu le regardes au lieu de le manger? Ah! Oh, mange-les! C'est une gâterie qui bouge. L'ancien nouveau tellement. La guerre psychologique, oui, on est tellement divertis qu'on se voile la face. Ouais. Ça mange les nuisibles. Garde-le. Oh, oui, je vais le garder. Même je trouve qu'il coûte cher. Oui, c'est ça. Mange-les. En fait. Bon, bravo. Ça faut faire ça. C'est des protéines. Bon, ben moi, je vais quitter. Mais le pet, je veux dire, moi. Moi, c'est un petit scolopendre. Hey, mange-les! Il joue avec. Bon, ben, coudonc. Il va falloir que je le tue, ça, là. J'endure pas ça dans la maison, ça. Ça dépend en quoi, là. Les araignées, je les garde, mais pas ça. C'est comme les fourmis, je les garde pas. Bon, ben, bonne journée à tous. Au revoir. Hélène, ma mère avait attendu jusqu'à ce point-là pour savoir si ça ferait des bonnes patates. Ça a marché. Ben oui, ça marche. Merci, bonne soirée. Ben, quand ils sont germés comme ça, par contre, à ce point-là, on peut pas les couper en morceaux. Puis faire plus de plants, mais quand même, c'est correct. Bon, ben, bonne soirée, Louis. À la prochaine. Au revoir, tout le monde.